Parlant de blagues plates, j'en ai fait quelques-unes en compagnie d'Alex Nevsky plus tôt aujourd'hui. Et avant de vous faire entendre nos propos des plus pertinents, il nous a joué une petite chanson en direct, live, juste un petit peu plus tôt aujourd'hui. Voici « On leur a fait croire ». Papa, ah ah ah ah, on s'est démaquillé, on a mis du fort sous nos joues, on s'est éteint, déraciné, on a mis du soir sur nos joues, on s'est soumis, on a plié, on a mis le mort à nos bouches, on s'est pourri et bâillonné. On a mis la mort à nos tronches. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, m'a repris, puis dilué. On a troqué l'or pour les sous. On s'est fait saint, on s'est fait sacré, sans mettre nos corps sous les clous. On s'est fait pute, et pour briller, on a mis de l'or à nos coups. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du phare sur nos joues. On s'est étreint, déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint, déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. On s'est étreint, déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, on leur a fait croire à l'amour. Papa, on s'est étreint et déshabillé, on leur a fait croire à l'amour. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Alex Nevsky, bonjour premièrement. Bonjour. Ça va bien. Ben oui, oui, toi. Est-ce qu'on peut continuer de parler tout le long en même temps? Ouais. Ok, ouais. Ouais, premier album, deuxième album. Ouais, c'est ça, premier album, deuxième album. Mais question classique, c'est question classique quand même. Ouais. Ton album, Imalia Mon Amour, qui est sorti au mois d'août, de quoi ça parle cet album-là, mettons, en général? C'est une question super. Ça parle, en gros d'amour, là, comme peut-être 7-8 chansons. De l'Himalaya, de l'Himalaya aussi. Puis un peu de Mont aussi. Il y a un petit peu de Mais pas trop. Non, pas trop. Mais c'est une question que je trouve un peu floue, puis que j'ai beaucoup de réponses floues. Mais surtout une réponse que je vais trouver floue. Fait que je préfère. Bypass. Je préfère que les gens l'écoutent, là, en fait. Ouais, ce serait important qu'ils l'écoutent. Ben, j'espère qu'ils vont le faire. Ouais. Le nom, justement, Imalaya Mon Amour, est-ce que c'est une référence au film Hiroshima Mon Amour? C'est ce qu'on m'a demandé. Oui, clairement. Mais après ça, c'est pas que référentiel au film. Là. Il y a aussi l'image que je trouvais vraiment intéressante. T'sais. Mais ouais, j'ai regardé le film pendant que je faisais l'album, puis je vivais un peu vraiment le même genre d'histoire là, d'amour impossible, de voyage, de tout ça. Puis ça m'a quand même un peu rentré dedans, ce film-là, à ce moment-là. Puis je l'ai trouvé poétique, vraiment, vraiment beau. Puis ça m'a quand même inspiré un peu pour le reste là, de la compo. Ouais. Justement, tu parlais de voyage. Tu as voyagé pas mal depuis les dernières années. Turquie, France, Allemagne, Espagne. où est-ce que tu n'es pas allé ou tu aimerais aller un jour peut-être avec ta carrière musicale, justement? Avec ma carrière musicale? Sinon, juste pour le j'aimerais ça aller en Islande, vraiment, okay. vraiment. Original, moi, quand même. Puis il n'y a pas tant de scènes que ça. J'ai regardé un petit vidéo de le DVD de Sigur Rós, qui ont fait une tournée dans des lieux vraiment inusités en Islande, dans des petites villes, tout ça, puis ça... Il faisait des fois dans des grottes, dans des vieilles manufactures fermées, puis c'était magnifique. Mmh. À d'autres endroits magnifiques, il y en a au Québec aussi. Oui, est-ce que tu as des spectacles qui s'en viennent à Chicoutimi-Gatineau, plein de places comme ça? Est-ce que tu as des spectacles privés en Mauricie? J'en ai un à Trois-Rivières le 23 avril. OK, quand même loin, mais on a le temps de se préparer. Vous avez le temps d'apprendre les chansons, même de. Ouais. Les papalapapapa. Ouais. Ça se fait rapidement, fait que vous allez pouvoir apprendre tout le reste. Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Genève. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Comment tu es venu à être porte-parole? T'en es-tu? Ça, je le sais pas trop. Ben, en fait, parce que j'ai été participant du festival, puis ça m'a vraiment, vraiment donné un bon coup de main, puis un coup de pouce, parce qu'on les appelle les coups de pouce, les trucs qu'ils donnent, en fait. Mais tu sais, c'est un festival, mais en bout de ligne, tu sais, c'est pas un concours, là, c'est ça, t'as pas de gagnant, en fait, mais t'as plein de, autant les Franco que l'Auto-Québec qui fait une aide à la tournée, qu'il y a plein d'aide, parce que c'est pas pour la chanson seulement, c'est pour le théâtre, la danse. Puis, les arts de la scène. Mais, fait que c'est ça. Puis moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis ça m'a aidé dans ma tournée. Ça m'a aidé à me faire connaître parce que c'est plein de lieux de diffusion que ça offre, en fait. Puis je trouvais ça juste complètement naturel d'aller en parler en bien. Puis en plus, je suis en compagnie de Pascale Bussière. Ben, c'est ça, la princesse astronaute. Ben oui, c'est ça. Est-ce fine, en vraie vie? Elle est incroyable, vraiment. Fait que, tu sais, c'est un gros plus. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu sur Question Con en passant, je t'avertis d'avance pour la prochaine. J'ai vu que tu as fini un statut sur Facebook en disant Foggio. Ouais. C'est ton biscuit préféré? Non, c'est vraiment les goglus. Ouais, c'est les goglus. C'est plate, hein, les goglus. C'est que je me faisais garder chez mes grands-parents, puis eux, c'était ça qu'ils achetaient comme biscuit, puis c'est devenu mes biscuits favoris. Sinon, ça aurait été les Oreo. Moi, Oreo, ouais. Mais double crème, ouais, évidemment. Ben, comme tout le monde. Si t'étais un biscuit, mettons, tu serais quel biscuit? Je voudrais être Je souhaiterais être un mince aux légumes. Mais ça, c'est un craquelin. J'aimerais plutôt être les maxi-fruits aux fraises. Ah, bon choix. Ouais. T'as du goût. Merci. T'as du goût. Merci, merci. Parlant de goût, ben, t'as choisi de travailler avec Alex McMahon, Plaster. Je voulais juste savoir, genre, qu'est-ce qui a apporté au processus? Je t'avais demandé ton nom. Pas grand-chose, hein, sérieux. C'est ça, tu vois, ça, c'est le genre de question que tu coupes au montant. Non, pour de vrai, il a tellement fait grandir cet album-là. Puis on l'a fait à trois, d'ailleurs, avec Gabriel Graton, qui est juste derrière, puis Alex McMahon, puis... ils m'ont tellement aidé. Puis tu sais, McMahon, c'est un génie, là. C'est pas un réal quelconque, là. Je veux dire, puis il y a une sensibilité tellement, tellement grande. Il a composé toutes les tunes, dans le fond. Moi, j'ai rien fait là-dessus. Non. Fait que dans le fond, on te reçoit, mais on aurait dû le recevoir lui. C'est ça? Ben, c'est ça, j'ai dit, mais il pouvait pas être là. Non, OK. Fait que là, c'est moi. Ouais. Ben, premièrement, je te remercie d'être passé assez fou. C'est un plaisir, c'est vraiment. C'est fun de te parler. Vraiment. Yeah. que c'est formidable. Il faut tout réinventer. Il faut se réinventer. Il faut se colorier. Il faut se colorier. Alex Nevsky est colorier. Vous savez, parlant d'entrevue, évidemment, on était un petit peu pressé dans le temps. Il y avait une autre entrevue à faire. Il y en avait comme 1000 dans la journée aujourd'hui. C'était une journée super épuisante. Fait qu'on voulait pas lui donner les mêmes questions que tout le monde lui demande, t'sais. Ben non, on était bien plus originaux. C'est ça, des questions de biscuits. Biscuits. C'est pertinent. Et je voulais, évidemment, comme je le fais toujours, au moins avoir un petit peu de choses qu'il va faire, qu'il va se rappeler d'être passé assez fou. Ah ça, il peut pas oublier ça. Je pense pas. Et encore plus... pour vraiment, vraiment pas qu'il nous oublie. Et vu qu'il nous a chanté une petite chanson, vous l'avez entendu plutôt avant l'entrevue, c'était la chanson « On leur a fait croire », on s'est dit, on va lui, nous aussi, lui chanter une chanson. T'sais. Et j'aimerais, avant qu'on y aille, je voudrais nous excuser pour les fausses notes. Ouais, on n'est pas des chanteurs professionnels, là, mais proches quand même. On lui a chanté une petite chanson en hommage à une marque de gomme que vous reconnaîtrez peut-être. Écoutons. 1, 2, 3, 4. Préparez Nevsky à vous jouer une bonne chanson. Son son va vous renverser. Écoutez-la, humez-la. Cette bonne chanson va vous renverser. Achetez-la sans hésiter. Cette chanson, la renversante. Écoutez-la, elle est bonne. Assez fou, juicy fruit. La gomme renversante et renversante. Oups. C'est ça, c'est wow, ça. Hein? Bravo. Merci. Bravo. Ok, mais c'est fabuleux. C'est grand, là. C'est pièce pas, bonus sur ton prochain. Hein? Ben, moi, je la mettrais comme single. Là, comme single. C'est le single, là. Bravo. Merci. Mais il faudrait couper Juicy Fruit. Ouais, c'est ça, parce que c'est une marque de commerce déposée de Wrigley's, je crois. Mais bravo. Merci. Je suis vraiment sur le cul, là. Merci, Ex-Nessie. Ouais, merci. T'as sur le cul! On a quand même. Donc, je veux le dire, on a quand même coupé le bout où Mathieu, tu dis et merci à ton cul! Ouais, ben, tu sais, on s'est déplacé un petit peu, tu sais. Mais c'est juste tellement drôle, ça veut rien dire. Merci à ton cul! C'est juste drôle. Mais c'est ça, des fois, tu sais, juste être drôle. Ou essayer, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir. On a écrit cette chanson-là à deux, Stéphanie et moi. Donc, copyright pour les paroles à nous, copyright pour la musique à Juicy Fruit et copyright de son cul à Alex Nevsky. Oui. Évidemment. Et voilà. Alors, on le remercie vraiment beaucoup d'être passé nous voir, nous, petite station de radio universitaire communautaire. Et on remercie aussi son guitariste qui était avec lui, Gabriel Graton, quand bien même. Sûr. Il est pas venu tout seul. Et il y a un nom prédestiné pour gratter une guitare, on s'entend là-dessus. Gratton une chanson. C'est Gratton ça. La don la chanson. Oh, wow! Gratinons la don la chanson. Ah, des calmants gratinants. Mm-hmm. Ah. Donc, on remercie Alex Nevsky, on remercie Gabriel et on remercie, dans le fond, pas mal tout le monde, hein, finalement. Qui tourne autour d'Alex Nevsky. Merci la vie.